franceinter.fr. C'est le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Déjà plus de 6 millions de victimes. Mais c'est aussi une guerre oubliée dont on ne parle pas ou alors si peu. Et pourtant, elle a commencé dès 1994. Ce n'est pas un hasard. La guerre du Kivu, ou plutôt les guerres du Kivu, sont une conséquence du génocide qui a frappé le Rwanda voisin. En effet, les génocidaires, et avec eux des dizaines de milliers de Hutus innocents qui craignaient les représailles des vainqueurs Tutsis, ont trouvé refuge au Kivu, province orientale de l'ancien Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. La guerre a donc suivi les Hutus au Kivu. Le nouveau maître du Rwanda, Paul Kagame, estimait en effet que la présence de ces camps de réfugiés à sa frontière représentait un danger permanent. Mais c'était aussi un prétexte pour se mêler des affaires du Kivu, un territoire au sous-sol si riche qu'il attire toutes les convoitises, et donc d'abord celle des Rwandais voisins, dont le petit pays, surpeuplé et dépourvu de richesses naturelles, à l'exception de la terre dont la moindre parcelle est cultivée. Mais au Kivu, il faut aussi compter avec des forces régulières minées par la corruption et toutes les factions armées qui pillent le sous-sol, réduisent la population en esclavage et utilisent le viol comme une arme de guerre. Une véritable mosaïque criminelle où les alliances se font ou se défont sous les yeux de milliers de casques bleus parfaitement impuissants. Monsieur X, qui m'a déjà parlé du Kivu en 2008, tente d'y voir plus clair au moment même où le président Hollande vient de se rendre à Kinshasa pour le sommet annuel de la francophonie. Le drame du Kivu, c'est sa richesse. Je ne sais plus quel colonisateur belge parlant du Congo a évoqué un véritable scandale géologique, tant il apparaît que l'ancien Zaïre semble avoir rassemblé dans son sous-sol toutes les matières premières de la Terre. Bon, outre le diamant et le cuivre, on y trouve la moitié des ressources mondiales de cobalt, les trois quarts du coltan et au moins un tiers de l'étain. Autant de minerais dont sont friandes les nouvelles technologies. Ah oui, téléphones, écrans plats, enfin j'en passe. Et pourtant, malgré l'existence de ce coffre-fort minier, la République démocratique du Congo se classe à l'avant-dernier rang du classement de la richesse nationale par habitant. Ouais, le scandale n'est donc pas seulement géologique. Effectivement, hein, ouais. Car le Congo, et plus particulièrement le Kivu, attire une foule de prédateurs qui exploitent une population misérable et même souvent dénutrie. Oui, ce sont eux qui creusent la terre. Ah oui, toujours à main nue. Et dans des conditions périlleuses, au fond d'étroits boyaux humides à peine étayés. Et chaque jour, ils extraient donc quelques dizaines de kilos de roches qui sont immédiatement achetées pour une misère par les commerçants ou les membres de ces bandes armées qui veillent sur ces mines sauvages. Et ensuite, alors ? Le minerai est revendu frauduleusement à des intermédiaires qui l'exportent aussitôt, en utilisant des petits avions grâce à des pistes sommaires construites dans la forêt équatoriale, ou encore en passant par le Rwanda. Ensuite, direction le sud-est asiatique, la Chine ou les républiques de l'ex-Union soviétique. Dans ces conditions, il est facile de comprendre pourquoi, depuis 1994, malgré les accords de paix conclus ici ou là, et la guerre continue. Oui, parce que le désordre permet le pillage. Et que la restauration d'un État fort met très fin à tous ces trafics. Alors, autant entretenir la confusion. Et disons-le tout de suite, le Rwanda voisin du président Kagame n'est pas le dernier à souhaiter que cette situation perdure. Mais j'y reviens tout de suite. Mmh. Alors, en attendant, voyons comment la situation a récemment évolué depuis la dernière fois où je vous ai parlé du Kivu. Alors, vous évoquiez la mutinerie de deux officiers supérieurs de l'armée congolaise. Oui, hein, le général Ngunda et le colonel Mutebesi, tous deux Tutsi. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'au Kivu aussi, hein, comme au Rwanda ou au Burundi, il y a des Hutus et des Tutsi. Qui vivent depuis fort longtemps. En tout cas, il est difficile de ne pas croire que le régime Tutsi du président Kagame a encouragé et peut-être même directement suscité cette rébellion. Mais toujours pour la même raison, alors l'exploitation des richesses du sous-sol du Kivu. À Kigali, on n'est pas loin de penser que les deux Kivu, nord et sud, devraient un jour ou l'autre être purement et simplement annexés, ce qui représenterait une véritable bouffée d'oxygène pour le petit Rwanda, dont la densité démographique est très importante. Alors revenons à la rébellion là, de ces deux mutins. Il faut d'abord parler de l'armée congolaise qu'ils ont abandonnée. Le jeune président Joseph Kabila, dans le but de neutraliser les groupes armés qui sévissent un peu partout au Congo, a pris la décision de fondre toutes ses troupes au sein des forces armées congolaises, ce qu'il a appelé le brassage. Oui, ce n'est pas forcément idiot. Hein. Effectivement, mais il en est résulté une armée hétéroclite et très peu motivée. La démonstration va en être faite très rapidement. Dès les premiers engagements contre les troupes de Ngunda, les militaires congolais n'ont rien de plus pressé que de fuir et de s'en prendre aux populations civiles qui vont subir leurs exactions. En outre, il faut souligner que ces soudards sont mal payés, et même quelquefois pas du tout. Et pourquoi alors ? Parce que les officiers sont généralement corrompus et accaparent la solde de leurs hommes. Des officiers qui iront même jusqu'à augmenter virtuellement leurs effectifs pour toucher plus. Il faut bien comprendre. Mais ça ne vaut pas simplement pour le Congo que ces guerres régionales et intermittentes sont aussi des rentes de situation pour les cadres de l'armée. Grâce à l'argent détourné, au marché noir ou encore au pillage des richesses naturelles, certains officiers congolais se sont fait construire des maisons au Kivu. C'est-à-dire qu'ils se sont durablement installés. Et hein, qu'ils sont d'abord devenus des hommes d'affaires au lieu de lutter contre la rébellion. Alors, je reviens à nos deux mutins. En 2004, ils s'emparent momentanément de la capitale du sud Kivu, Bukavu. Mais après une dizaine de jours de combats et de nombreux massacres, cette tentative fait long feu. Mutebesi se réfugie au Rwanda, tandis que Ngunda, invaincu, se replie dans le nord Kivu. Mais la menace demeure. Et ce n'est pas la délivrance à son encontre d'un mandat d'arrêt pour rébellion, crime de guerre et même crime contre l'humanité qui peut le dissuader de renoncer à se battre. Un mot peut-être sur ce général Ngunda là. Très grand, très mince, très fin et lunettes cerclées de métal, il arbore toujours des uniformes impeccables et a invariablement une canne à la main. Mais cette image raffinée ne doit pas faire illusion. Gunda est aussi un homme impitoyable qui a ordonné de nombreux massacres de civils en dépit du fait qu'il se réclame d'une secte évangélique. Ouais. Et comment lui, alors, justifie-t-il sa rébellion ? Bon, officiellement, il accuse Kinshasa de ne pas avoir désarmé les milices Hutus présentes au Kivu. Des milices qui serviront d'ailleurs de troupes supplétives au service de l'armée de Kabila. Ouais. Donc, Gunda n'a pas tout à fait tort ? Certes, mais je suis persuadé qu'il s'agit d'un prétexte. En réalité, Gunda est un ambitieux qui rêve alors de rééditer l'aventure victorieuse de Kabila Senior. Oui, c'est-à-dire la marche sur Kinshasa. Et la prise du pouvoir après la chute du régime de Mobutu. Et en attendant, il sert les intérêts de ses puissants alliés rwandais. Tout au long de l'année 2006, on assiste à des engagements limités entre ses hommes et l'armée officielle congolaise. C'est aussi le moment où Gunda franchit un pas supplémentaire en créant son propre mouvement politique, le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. Ouais, et ça doit être l'instrument de l'ambition politique de Gunda. Gunda qui, dès cet instant, avoue qu'il veut aller bien au-delà de la simple conquête du Kivu. En même temps, les affrontements armés deviennent de plus en plus importants. Et à chaque fois, il provoque non seulement des centaines de morts, mais aussi de véritables catastrophes humanitaires. Attendez, malgré la présence alors des casques bleus de l'ONU. Oui, le MONUC, tel est le nom à l'époque de cette mission de paix, semble impuissante à rétablir l'ordre. Et pourtant, elle est très bien équipée et dispose même de blindés et d'hélicoptères d'attaque. Alors, comment expliquer cette impuissance ? Il y a sans doute des problèmes de commandement. Mais il faut aussi remarquer que la MONUC est presque aussi disparate que l'armée congolaise. Quoi qu'il en soit, les pressions internationales aboutissent à l'ouverture d'une négociation directe entre les deux vrais partenaires, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et au début de 2008, on célèbre une grand-messe de la paix. C'est le premier espoir depuis très longtemps. Ce combattant, on a sauté. Excellente analyse de la situation actuelle au Kivu, je l'ai trouvée sous la plume de Christophe Boltanski dans un numéro d'Alternative Internationale paru en juillet 2012. Militaire ou rebelle, voire les deux à la fois, les hommes en armes qui s'affrontent depuis 17 ans dans l'est de la RDC ont un point commun. Quelles que soient leurs allégeances, le sigle à rallonge du mouvement dont ils se réclament, leur appartenance ethnique, tous, à des degrés divers, vivent du pillage des ressources naturelles. À chaque gisement perdu dans la jungle correspond une milice, une brigade plus ou moins régulière. Au fil des années, les seigneurs de la guerre se sont transformés en entrepreneurs. Leur scission politique, en apparence, cache des différends commerciaux. Leurs offensives obéissent à des business plans. Leurs victoires se mesurent en tonnes extraites, non en mètres carrés conquis. Pour accroître leur part de marché, ils massacrent, violent, enrôlent des enfants. Christophe Boltanski est par ailleurs auteur de « Minerais de sang, les esclaves du monde moderne », une enquête publiée en 2012 par Grasset. Au cours de la grande messe de réconciliation du mois de janvier 2008, Rwandais et Congolais décident de ne plus s'allier avec tous les groupes irréguliers qui sévissent au Kivu et se paient sur le pays. Oui, parce qu'il n'y a pas seulement les rebelles de Nkunda. Hein. Bon, je simplifie au maximum parce que c'est un petit peu compliqué. Il faut d'abord évoquer le FDLR, c'est-à-dire les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Ce mouvement armé et politique regroupe des soldats ou des miliciens Hutus qui se sont exilés au Kivu après la victoire des Tutsis au Rwanda. Ah, il y a donc parmi eux des hommes qui ont pris part au génocide de 1994. Ah bah forcément. Mmh. Impuissant à lutter contre l'armée rwandaise, qui est l'une des plus fortes de la région, ces soldats perdus sont devenus au Congo des sortes de mercenaires. Et dans cette troisième guerre civile, hein, parce qu'il faut bien parler de ça, ils sont au service de qui alors? Bah, à l'époque, ils combattent aux côtés de l'armée congolaise. Contre Nkunda, donc. Mais ça ne les empêche nullement de se retourner ponctuellement contre les forces armées congolaises. En fait, ces Rwandais exilés sont devenus à peu près incontrôlables. Et quelles forces représentent-ils? On estime qu'ils contrôlent un bon tiers des deux Kivus. Et bien sûr, ils ne sont pas les derniers à mettre le pays en coupe réglée. Mais il me faut aussi signaler l'existence d'une autre bande armée, les Maïmaï. Ah, qui sont-ils, ceux-là? Une explication d'abord à propos de cette curieuse appellation. En Kiswahili, Maï signifie l'eau. Et si on les nomme ainsi, c'est que ces guerriers croient au pouvoir magique de l'eau dont ils s'aspergent avant d'aller combattre. L'eau qui est censée les protéger des balles. Et qui les rendrait donc invulnérables. C'est ça. Ouais. Mais attention, malgré cette touche folklorique, les Maï-Maï doivent être pris au sérieux. Ils s'affirment comme les représentants des véritables populations autochtones du Kivu. Des patriotes qui ont successivement lutté contre tous les envahisseurs qui se sont abattus sur leur territoire. Ils ont donc constitué dans les villages des groupes d'autodéfense qui se sont progressivement unifiés. Oui, mais quelle est leur véritable importance? Au Nord Kivu, on estime que les Maï-Maï regroupent 30 000 combattants. Ah, des hommes aguerris, hein, pas moins féroces que les autres. Ils doivent donc être les adversaires naturels de Nkunda qui est soutenu, lui, par le Rwanda. Et à Kinshasa, on a très vite réalisé que ces Maï-Maï pouvaient être des alliés très utiles. Le président Kabila a donc décidé de les aider en leur faisant parvenir des équipements militaires. Alors, je reviens à cet accord de paix signé au début de cette année 2008. Ben, il ne tarde pas à voler en éclats. Qui a pris l'initiative? Le général Gunda. Ça signifie que ses commanditaires rwandais n'étaient pas vraiment décidés à cesser les hostilités. Dès le mois de mai 2008, Gunda lance une offensive au Nord Kivu contre les forces gouvernementales. En employant des armes lourdes, il conquiert assez rapidement plusieurs localités de la région. Alors, encore une fois, là, que font les casques bleus de la MONUC? Bon, ils tentent de s'opposer à cette offensive, en particulier grâce à leurs puissants hélicoptères d'attaque. Mais il faut bien reconnaître que la plupart du temps, les 6000 casques bleus présents au Kivu ne sortiront pas de leur camp, alors même que des massacres se perpètrent quasiment sous leurs yeux. Ça ne doit pas plaider, ça, en faveur de leur popularité. En effet. Mmh. En septembre, alors que les forces de Ngunda ont considérablement progressé sur le terrain, le général rebelle propose un arrêt des hostilités si Kinshasa accepte d'ouvrir des négociations directes avec lui. Une discussion d'égal à égal. Ngunda se pose donc en rival de Kabila. Ça me paraît clair. Et comme ce dernier n'est pas disposé à lui offrir ce vernis de respectabilité, Ngunda va encore plus loin. Au début octobre, il appelle tous les Congolais à se dresser contre le gouvernement de Kabila. Et il ajoute que sa lutte ne se terminera qu'avec la libération totale du peuple congolais. Tu es sérieux ? Pas trop, non. Car même si Ngunda dispose de quelques milliers de combattants disciplinés et bien encadrés, il semble difficile qu'il puisse conquérir avec si peu d'hommes un pays immense comme la RDC. Ouais, une rodomontade, donc. En tout cas, après sa déclaration incendiaire du début octobre 2008, Laurent Ngunda reprend l'offensive, tant et si bien qu'à la fin de ce même mois, la principale ville du Nord Kivu, Goma, est sur le point de tomber. Et quelques jours plus tard, c'est la bourgade de Kiwanja qui va connaître une véritable tragédie. Oui, il me semble même avoir lu qu'on a assisté là-bas à une sorte de Srebrenica congolais. Exact. Malgré l'inertie coupable des casques bleus qui coûtent quand même $1 milliard par an à la communauté internationale, l'ONU essaie de reprendre la main en envoyant un émissaire de poids dans la région. L'ancien président du Nigeria, Obasanjo. Ce dignitaire rencontre en particulier Laurent Ngunda. Ouais, c'est une sorte de reconnaissance internationale alors pour le chef rebelle. Et Ngunda décrète un cessez-le-feu unilatéral et ne poursuit pas son offensive jusqu'à Goma. Est-ce un signe de bonne volonté ? Qui n'a entraîné aucune réaction à Kinshasa. Or, comme l'a souligné ironiquement Ngunda, un cessez-le-feu, c'est comme danser le tango. On ne peut pas le faire tout seul. Ouais. Et pour l'instant, Kabila refuse d'être le partenaire de danse de Ngunda. Et ce dernier, tout en se donnant le beau rôle, celui d'un chef ouvert à la négociation, consolide ses positions. C'est d'autant plus aisé qu'il est assuré du soutien du Rwandais Kagame. Mais au Congo, rien n'est jamais acquis. À la fin de 2008, un rapport d'experts onusiens dénonce les liens entre Ngunda et Kagame. Kagame, le Rwandais, qui jusque-là, en raison de ses efforts pour redresser son pays, avait plutôt une bonne réputation internationale. Oui, malgré ses tendances à l'autoritarisme. En tout cas, après ce rapport, le président rwandais met un peu d'eau dans son vin. Et l'on va assister à une réconciliation des deux ennemis régionaux. Ouais, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda. C'est un retournement spectaculaire. Là. Et conséquence, en janvier 2009, une opération conjointe des armées de la RDC et du Rwanda est menée contre les rebelles Hutus réfugiés au Kivu. Ce FDLR là, dont vous avez parlé, qui était allié à l'origine à Kabila. Autre changement d'alliance. Les forces armées de la RDC concluent des accords avec les mutins Tutsi du CNDP. Et bien sûr, ça passera par une mise à l'écart de Ngunda. Ah bon, Ngunda, alors mec, que devient-il ? Il est démis de ses fonctions par l'un de ses lieutenants qui prend sa place à la tête du CNDP, Jean Bosco Ntaganda. Ouais. Gagne-t-on au change, si j'ose dire ? Pas vraiment. Ntaganda est un criminel de guerre contre lequel le CPI a émis un mandat d'arrêt en 2006. Mais je vais reparler de ce personnage dont le sobriquet « Terminator » me paraît sinistrement éloquent. Quand Ngunda, parti se réfugier au Rwanda, il est arrêté fin janvier à Kigali. Lâché par Kagame, donc. Mais si vous voulez mon avis, je crois plutôt que le président rwandais le garde en réserve. Et il ne m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre, Ngunda refasse surface. En attendant, pour montrer qu'il a bien changé de politique, Kagame oblige les miliciens du CNDP à intégrer l'armée RDC. Et ce Terminator l'a accepté ? En mars 2009, un accord de paix est même signé entre Kinshasa et le CNDP. Mais que prévoit cet accord alors ? Les combattants du CNDP et ceux des factions qui leur sont alliées sont intégrés dans l'armée congolaise. En même temps, le CNDP devient un parti politique. J'imagine qu'il a obtenu des contreparties. Naturellement, il n'est pas vu qu'il obtienne 3 portefeuilles ministériels et 3 commandements de région. Et la réalité ? Le CNDP n'aura jamais de ministre, mais on lui donnera des régions à commander. Et au fond, c'est le plus important. Diriger une région, ça permet de s'enrichir. Il n'empêche toutefois que ce refus de Kinshasa de leur offrir des ministères sera l'un des arguments qui justifiera la rupture en avril 2012. Donc la reprise de la guerre civile. Et c'est-à-dire qu'entre-temps, le Kivu a connu une période relativement paisible ? Non, et pour de nombreuses raisons. La première étant bien entendu la lutte ouverte ou feutrée pour le contrôle des gisements de minerais. Il y a aussi le fait que les officiers de l'armée congolaise voient d'un très mauvais œil les Tutsis du CNDP contrôler une vaste partie des deux Kivus. Des ex-rebelles qui, estiment-ils, demeurent plus fidèles à Kigali qu'à Kinshasa. D'autre part, L'intégration des soldats du CNDP dans l'armée congolaise se fait très mal. C'est si vrai que dès la fin 2009, on constate des désertions massives. Une désertion de miliciens du CNDP, c'est oui, vrai. Par ailleurs, les officiers de l'armée régulière ne veulent pas laisser les plus riches territoires aux commandants du CNDP. Ouais, ils ont l'impression d'avoir été volés. Et oui, c'est pourquoi ils créent de toutes pièces une nouvelle faction armée, les Maïmaï Cheka, qui vont donc œuvrer à la protection ou la récupération des zones minières prises par le CNDP. Et comme rien n'est simple au Kivu, ces nouveaux Maïmaï n'hésitent pas à s'allier aux Hutus du FDLR, qui en principe sont pourchassés par la nouvelle coalition CNDP, Forces armées de la RDC. Voilà, ça devient très compliqué. Arrivez, hein, ouais. Vous ne faites pas dire. D'autant que plus tard, ces mêmes Maïmaï retourneront leur veste et rallieront le futur M23, qui sera issu d'une scission du CNDP. Mais je reviens au sort réservé à ces Hutus. Dans ce jeu de massacre permanent, ce sont les plus exposés. Et ils cherchent en permanence à nouer des alliances avec tel ou tel autre groupe armé. Ouais, quand vous dites exposé, là. Ah ben c'est la vérité. Après avoir été les bourreaux des Tutsis au Rwanda, ben ils sont maintenant souvent passés du côté des victimes. C'est en tout cas ce que révèle un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU en octobre 2010. 200 000 d'entre eux auraient été tués au cours d'attaques systématiques conduites par les Rwandais ou leurs alliés. Et c'est un rapport qui irrite forcément Kigali au plus haut point. Oui, parce que si je me souviens bien, on a même parlé de génocide. Hein. Oui, Kagame est si furieux qu'il veut retirer ses soldats qui opèrent au Kivu sous le casque bleu de l'ONU. Un contingent, la MONUSCO, qui, entre parenthèses, compte maintenant 20 000 hommes. Ouais, MONUSCO au lieu de MONUC. Et pourquoi ce changement de nom? Parce qu'on a ajouté un S pour stabilisation. Ouais, stabilisation du Congo? Ce qui, au fond, ne change rien, car la présence des casques bleus est toujours quasi inutile. Et c'est dans ce climat de violence qu'interviennent les élections congolaises de décembre 2011. Que peut-on en attendre? Pas grand-chose, malheureusement, parce que ces élections ne peuvent pas être sincères. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Dans le numéro de décembre 2009 de la revue Alternative Internationale, Thierry Vircoulon, spécialiste de la région, commente l'accord de paix conclu en 2009 entre la RDC et le Rwanda. Je le cite. Ce rapprochement entre les deux capitales est d'autant plus crucial que le prix des offensives anti-FDLR payées par les civils est particulièrement lourd. Meurtres, viols et pillages sont en augmentation dans une région où en 2008, les Nations Unies avaient déjà recensé, entre autres exactions, 7703 cas de viols. Les communautés villageoises prises en otage entre les FDLR et l'armée congolaise sont soupçonnées par chaque partie de collaborer avec l'autre et contraintes par chacune de contribuer à sa subsistance. Avec une armée congolaise toujours aussi désorganisée, indisciplinée et impayée, le versant militaire du processus de paix accroît l'insécurité des populations. Le nombre des personnes déplacées dans la région étant estimé entre 500 000 et 800 000. Fin novembre et début décembre 2011, on vote donc en RDC à la fois pour élire le président et les députés. Et Kabila fils est candidat à sa succession. Il fallait s'y attendre, ces consultations sont marquées par la fraude et la violence. Au Kivu, c'est le CNDP qui s'occupe de bourrer les urnes en faveur de Kabila. Et ce dernier est réélu. Mais sa victoire est entachée par ces fraudes. Les protestations sont véhémentes dans tout le pays. À nouveau, le Congo tout entier semble au bord de la guerre civile. D'autant qu'au Kivu, Kabila se montre désireux d'écarter Ntaganda, qui a pourtant puissamment contribué à sa réélection. Oui, en bourrant les urnes. Kabila n'est donc guère reconnaissant, là. C'est certain, mais Ntaganda, considéré par le TPI de La Haye comme un criminel de guerre, est un allié décidément très encombrant. Cependant, en essayant de se débarrasser de Ntaganda, Kabila prend des risques. Ce qui devait arriver arrive. En avril 2012, le Kivu s'enflamme de nouveau. Alors là, qui a pris l'initiative là? Jean Bosco Ntaganda et son alter ego, ou plutôt son rival au sein du CNDP, un certain Sultani Makenga. Ouais. Ce CNDP, alors, se mutine. Et je vous l'ai annoncé plus tôt, au printemps 2012, on voit apparaître en son sein un nouveau mouvement armé, le M23, c'est-à-dire le mouvement du 23 mars. Ouais, pourquoi cette appellation là? Le chiffre 23 est une référence à l'accord du 23 mars 2009, accord au terme duquel le CNDP devait se voir attribuer trois ministères. Mais la promesse n'a pas été tenue. Est-ce un prétexte, seulement un prétexte, pour rompre avec Kinshasa? Oh, je le pense. En réalité, les mutins ont deux bonnes raisons de se révolter. D'abord, le gouvernement de la RDC a déclaré qu'il était prêt à livrer Ntaganda à la haie. Oui, c'est-à-dire au tribunal pénal international. Qui, en cette année 2012, a jugé et condamné lourdement un autre seigneur de la guerre congolais, Thomas Lubanga. Tandis que Jean-Pierre Bemba, l'ancien rival politique de Kabila, est en instance de jugement, lui aussi. Ntaganda peut donc légitimement avoir peur. Hein. Et par ailleurs, Kinshasa a décidé de confisquer des terres contrôlées par des commandants du CNDP. Et ça, c'était les toucher directement au portefeuille. Ah, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier le Rwanda, qui naturellement continue à tirer les ficelles au Kivu à travers ses alliés. Si ceux-ci sont menacés, ce sont aussi les intérêts rwandais qui risquent d'en souffrir. La preuve de l'implication directe du Rwanda ne va pas tarder. Kigali fait le ménage à la tête du M23 et impose Magenga. Exit Ntaganda, donc. Comme trois ans plus tôt, Nkunda a été écarté. Exactement. Hein. Plus servile et moins visible pénalement que Ntaganda, Magenga lui a donc été préféré. Et c'est à nouveau l'ONU qui met les pieds dans le plat. En juin dernier, un rapport très sévère d'experts de l'ONU dénonce l'implication du Rwanda dans le redémarrage des combats et son soutien aux nouveaux mutins via de hauts responsables du gouvernement rwandais. Réaction de Kigali, là ? Les dirigeants rwandais nient, mais il n'empêche que désormais, ils sont sur la sellette. Autre chose, au Kivu, il est difficile de bouger une pièce sans faire trembler tout le puzzle. Conséquence immédiate de la mutinerie du M23, les FDLR, Hutus, redressent la tête. Ils reprennent le contrôle des gisements miniers abandonnés par les mutins. Et grâce à ces ressources, ils reconstituent leurs forces armées. Ouais, nouveau danger. Autre difficulté pour le pouvoir congolais. Certains hommes du CNDP, restés au sein des forces armées régulières, forment une sorte de cinquième colonne. Ouais, c'est-à-dire qu'ils espionnent, qu'ils trahissent. Oui, renseignent leurs amis qui ont rejoint les mutins du M23. L'armée congolaise, déjà si faible et si indisciplinée, n'avait pas besoin de ça. Ni la population, victime innocente de la reprise des combats. Au dernier comptage de l'ONU, effectué à la mi-juillet 2012, on recense déjà 220 000 personnes qui ont fui le théâtre des opérations armées. Et sur le terrain, alors, que se passe-t-il ? Début juillet, le M23 s'empare de Buganana. C'est une ville stratégiquement importante située à la frontière ougandaise. Puis, deux jours plus tard, une autre cité, Rutshuru, tombe à son tour. Les hommes du M23 se trouvent rapidement à moins de 50 km de Goma, la capitale du Nord Kivu. Résultat, quelques jours plus tard, le département d'État américain suspend une partie de son aide militaire au Rwanda. Oui, à cause du soutien que le Rwanda accorde aux rebelles du Nord Kivu. Et pourtant, Washington a toujours apporté son soutien au Rwanda, considéré comme le meilleur élève de la région des Grands Lacs. La Banque mondiale menace à son tour de suspendre 135 millions de dollars attribués au Rwanda, tandis que le M23 poursuit son offensive et conquiert les principales places stratégiques du Nord Kivu, abandonnées par l'armée congolaise. Oui, mais que faire pour contenir ce désastre humanitaire ? Sur le plan international, ça bouge un peu, parce qu'on craint un embrasement généralisé. En août 2012, une réunion extraordinaire rassemble des dirigeants de la région des Grands Lacs. On assiste à une vaine tentative de réconciliation entre Kagame et Kabila. Et comme d'habitude, il est décidé de la création d'une force internationale neutre. Alors que la MONUSCO de l'ONU est toujours sur place. Oui, mais cette MONUSCO a définitivement perdu toute possibilité de contrôler le terrain. Son activité est réduite au minimum et consiste uniquement à assurer le convoyage d'hélicoptères ou de camions commerciaux en territoire rebelle. Et non sans avoir auparavant négocié le passage avec le M23. Mais il faut dire que les casques bleus ont été sévèrement attaqués à la fin du mois de juillet. Alors, justement, Kabila voudrait bien renégocier le mandat de ces casques bleus qui montrent si peu d'empressement à intervenir. Mais dans quel sens cette renégociation-là ? Le président congolais désirerait que ces militaires onusiens s'engagent vraiment à combattre les rebelles. Ouais, au côté de sa propre armée, donc. Mais Kagame, lui, ne peut approuver. Il privilégie, au contraire, la création de cette force régionale, incluant des éléments rwandais. Une façon pour lui d'instituer une tutelle à deux têtes sur le Kivu. Oui, c'est bien sûr inenvisageable pour Kinshasa. Donc, finalement, les deux présidents ne sont d'accord sur rien. ou presque rien, et la création de cette force régionale reste jusqu'à aujourd'hui en suspens. Toutefois, ce sommet n'a pas été tout à fait inutile. Soumis à d'importantes pressions internationales, les belligérants restent l'arme au pied pendant l'été. Et le M23 s'abstient d'attaquer Goma alors que ses hommes campent à seulement 25 km de la capitale du Nord Kivu. Oui, une capitale qui est encore occupée par l'armée. Hein. Oui, oui. Fuyant les miliciens du M23, les militaires congolais s'y sont réfugiés et ne sortent plus guère des limites de la ville, car les principaux axes sont contrôlés par le M23. Et ces hommes armés là, du M23, combien sont-ils ? On estime qu'ils sont entre 500 et 700 hommes, plus ou moins bien armés. Et cette petite troupe, a réussi à imposer sa loi à l'armée régulière. Et même aux 20 000 casques bleus. Mais, et ce faisant, c'est-à-dire en fixant l'armée congolaise dans Goma, le M23 a permis que des pans entiers du Kivu soient soumis à la violence de plusieurs milices, comme par exemple les Maïmaï, qui prolifèrent un peu partout. Prenons par exemple le cas de la région de Masisi. Où est ça ? Au nord-ouest de Goma. C'est un territoire peuplé essentiellement de Hutus ou de Hundi, une ethnie locale. Région complètement abandonnée par l'État congolais. Elle fait l'objet depuis juin 2012 de sanglants affrontements par milices interposées. Conséquence, début août, on y a déjà compté des centaines de morts. Et l'ONU y a envoyé une commission chargée d'enquêter. Celle-ci a relevé 45 attaques dans environ 30 villes et villages. Et dites-vous, plusieurs milices sont impliquées. Hein. Des bandes armées qui ne poursuivent qu'un seul objectif, le profit. Mais il faut quand même affirmer avec force que ce sont les Rwandais qui sont les premiers responsables de cet engrenage criminel. Ce qu'a souligné encore très récemment l'ONG Human Rights Watch. Car derrière le M23, principal fauteur de troubles actuels, se dissimule Kigali. Triste retournement de l'histoire, le Rwanda, qui a subi le génocide le plus important de la seconde moitié du XXe siècle, est aujourd'hui le vrai responsable de ces massacres du Kivu, avec la complicité des grandes puissances qui ne veulent pas savoir d'où viennent les précieux minerais si utiles à leurs industries. J'emprunte la conclusion à l'ancien diplomate Pierre Jacquemot qui écrit ceci dans la revue Hérodote. Le conflit est devenu une activité hautement lucrative. Tant que des acheteurs sont disposés à participer au trafic des minerais, les groupes militaires n'ont aucune raison de déposer les armes. Les bénéfices dégagés par l'exploitation minière et des trafics permettent aux rebelles d'acquérir armements lourds, canons, mortiers de longue portée, AK-47, munitions, appareils de transmission et uniformes à l'étranger. Malgré l'embargo sur la fourniture d'armes décrété par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2003, le vaste marché des armes légères ne s'est jamais tari. L'approvisionnement se fait par le Rwanda et la Tanzanie et les ramifications de ce trafic remontent jusqu'à l'ex-bloc soviétique et la Chine. Deux livres pour terminer. Minerai de sang, le livre déjà cité de Christophe Boltanski, qui décrit avec une terrible précision l'exploitation artisanale du Kivu par des armées de miséreux qu'on traite en esclaves. Et puis Congo, une histoire de l'écrivain belge David Van Renbroek, qui vient de sortir chez Actes Sud. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez comme d'habitude communiquer avec nous. Rebecca Denant a préparé cette émission. Merci aussi à Stéphane Combe et Michel Billou qui l'ont réalisée et à Monsieur Djoub pour la musique. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.